démocrate sur ta démocratie, démon, aristocrate déchu, démocrate déçu. À quoi est-il bon de m'imposer ta grande doctrine alors que le manque de bol de riz m'opprime, l'âge de bloc rime au crime, les mafieux de Babylone oppriment leur système, sème ignorance, vice, haine, ils lavent nos cerveaux, exploitent nos mifa, prêchent l'hypocratie de la pure d'état. Ils sont doués pour l'art de la magouille, ils nous dépouillent, se remplissent les fouilles et nous amadouent, et leur est grave. Le phénomène est mondain, protège ton mental, Babylone est mesquin. Babylon, oh long, Dominique's colonization. Babylon, oh long, no quita is pa ma nation. Babylon, oh long, no quita is pa ma nation. Babylon, oh long, you were wrong, you were wrong, you were wrong, you were. Comme au boomerang, le crime laisse des sillons. Babylone tient les rênes dirigeants pillons. L'histoire se répète, c'est pas un nouveau thème. On stocke beaucoup de peine dans nos veines et nos gènes. Babylone dicte, Babylone commandite. Génocide politique, je cite et revendique. Les chaînes sont mentales, dans la tête ils s'installent. Ils volent ta confiance, ils volent ta conscience. Protège ton esprit, protège ton mental. Fire burn, Babylone. Babylone, oh Lord, how many years colonization? Babylone, oh Lord. Babylone est rusé comme un chacal, combattant du micro, debout et faites face à Babylone. Levez-vous pour les opprimer, nous irons jusqu'au bout. Rebel, contre ta politique, je suis rebel. Face à tes pièges, je crois que j'excelle. Toujours dans ma cour, je reste fidèle. Dans le cicatrice, tu laisses des séquelles. Well, pour tous les peuples, je combats Babylone. Pour survivre, la lutte sera longue. Pour survivre, la route sera longue. Babylon, oh long, how many years colonization? Babylon, oh long, no quita is pa ma nation. Babylon, oh long, no quita is pa ma nation. Babylon, oh long, you were wrong, you were wrong, you were wrong, you were wrong. On va dire Babylon, Babylon est banni. On va dire Babylon. Babylone, brutal.